crois que j'ai jamais pris le temps de te dire à quel point je t'aime. Je tape ces mots tant qu'il est temps, ce sera mieux que des chrysanthèmes. Dans ce bas monde, t'es bien la seule à me connaître sur le bout des doigts. Comment serait-ce autrement, y'a que toi qui m'as apporté 9 mois. J'ai ma preuve de ton amour pour devenir quelqu'un de meilleur. J'ai toujours eu foi en toi, je n'irai pas la chercher ailleurs. Non maman, ne pleure pas, sèche les larmes de tes yeux. Le paradis est sous tes pieds, je n'ai pas besoin d'implorer les cieux. Pour moi t'es le seul exemple à suivre, je désactive mon compte Twitter. T'as pas eu besoin de rouler sur l'or pour avoir de vraies valeurs. Tu sais, je suis désolé de ces fois où t'as eu honte de ton fils. Mais y'a très tard que j'ai pris conscience que j'étais le fruit de tes sacrifices. Maman, pardonne-moi mes fautes, t'es la seule femme de ma vie. Aucune autre, même pas la mienne, ne peuvent t'arriver à la cheville. Souvent j'ai fait l'imbécile, je t'ai pas rendu la vie facile. Je suis qu'un sale gosse qui dans ton cœur a demandé le droit d'asile. Oh maman, je te compte tout ça en chantant. Oui, je sais que j'ai mis du temps pour te dire que je t'aimais tant. Oh maman, de toi je ne méritais pas tant. Quoi qu'il arrive éternellement, je resterai ton enfant. Oh maman, je te compte tout ça en chantant. Oui, je sais que j'ai mis du temps pour te dire que je t'aimais tant. Oh maman, de toi je ne méritais pas tant. Quoi qu'il arrive éternellement, je resterai ton enfant. Maman, tu sais, je te dois tout quand tu vas mal, je le vois. Arrête de croire que je m'en fous. Si tu meurs, je meurs, cela va de soi. J'ai fait la demande au très haut de te préserver auprès de moi. Il n'a pas pu me ramener nono, j'espère que cette fois il m'entendra. Prends-moi tes peines, me rendre malade. Si c'est de ma faute, je m'en excuse. T'es mon plus beau bijou, tu brilles comme le soleil de Syracuse. Je regrette tes soucis quand je t'ai dit, je monte sur Paris pour faire du rap. Tu n'as jamais trop apprécié, vu qu'être rappeur ce n'est pas du rap. Les années passent, c'est ce que défile et rien ne s'est passé comme prévu. J'étais trop con de croire en moi, pourtant tu m'avais prévenu. Aujourd'hui j'ai plein de regrets, mes yeux sont rouges quand j'écris ça. Je voulais te ramener un disque d'or pour qu'enfin tu sois fier de moi. Comme d'habitude, j'ai échoué, je suis pas doué pour réussir. Ça ne m'étonne pas que tu flippes souvent quand on parle de mon avenir. Je sais que je suis loin d'être un modèle et j'ai les pires défauts de la terre. Mais qui pourra me reprocher d'être un fils qui aime sa mère? Oh maman, je te compte tout ça en chantant. Oui, je sais que j'ai mis du temps pour te dire que je t'aimais tant. Oh maman, de toi je ne méritais pas tant. Quoi qu'il arrive éternellement, je resterai ton enfant. Oh maman, je te compte tout ça en chantant. Oui, je sais que j'ai mis du temps pour te dire que je t'aimais tant. Oh maman, de toi je ne méritais pas tant. Quoi qu'il arrive éternellement, je resterai ton enfant. Maman, j'ai grandi depuis l'époque où tu lassais mes chaussures. J'aurais toujours besoin de toi, de toute façon, ça c'est chaussure. J'écris ça de ma plus belle plume, les mots que j'ai du mal à dire. Désolé si je t'ai fait souffrir, j'aurais préféré te faire rire. Maladroit dans mes propos, je t'ai souvent vu désabuser. En demandant où est ton fils derrière cette racaille déguisée. J'ai appris de mes erreurs, parfois je sais, j'ai déconné. J'ai fait des trucs et dit des choses que t'as pas pu cautionner. Je suis unique et tu le sais, je ne peux pas faire comme tous les autres. Conditionné par les médias, si je rêve trop grand, c'est par leur faute. J'ai toujours eu plus d'ambition de ce que je suis capable d'accomplir. Si j'ai gardé les pieds sur terre, c'est grâce à toi, faut pas se mentir. J'aimerais tellement te rendre heureuse loin de ce pays et toutes ces merdes. T'offrir une piole sur pilotis avec une belle vue sur la mer. Trop généreuse, tu t'es privée pour qu'on ne manque jamais de rien. Comprends pourquoi je veux te mettre bien. Maman, ce morceau c'est le tien. Oh maman, je te compte tout ça en chantant. Oui, je sais que j'ai mis du temps pour te dire que je t'aimais tant. Oh maman, de toi je ne méritais pas tant. Quoi qu'il arrive éternellement, je resterai ton enfant. Oh maman, je te compte tout ça en chantant. Oui, je sais que j'ai mis du temps pour te dire que je t'aimais tant. Oh maman, de toi je ne méritais pas tant. Quoi qu'il arrive éternellement, je resterai ton enfant.